Je voudrais vous parler de Noma. Noma, c'est le nom d'un monstre qui dévore les enfants. Ce n'est pas du cinéma. Ce monstre existe vraiment. Il leur saute au visage, puis il les tue. Noma grignote tout. La chair, les os, l'espoir, la dignité. Et pourtant, il est tellement plus facile à soigner qu'à regarder. 10 euros suffisent à sauver une vie. Pour que la maladie du Noma ne vole plus le visage des enfants, donnez sur vaincre-noma.com. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Oui. Ah, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Un épisode pas spécialement comme à l'accoutumée, car contrairement à d'habitude, nous ne sommes pas seuls dans mon appartement qui sent la pisse de chat. Nous sommes avec plein de gens, car qui nous sommes... Qui sentent la pisse de chat. Ouais, car nous sommes à Bordeaux. Allez, j'ai plus d'énergie, ça y est. Il va tomber, c'est terminé pendant une heure. Merci beaucoup. Je suis avec deux... Alors, évidemment, je suis avec mon comparse, Adrien Méniel. Adrien, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, Adrien? Ça va, je pense que je vais m'évanouir un moment à cause de l'écho, enfin le décalage. Je vais m'évanouir, je vous le dis, voilà. Vous ne saurez pas quand, mais si je parle plus, c'est que j'ai fait un AVC. Mais sinon, ça va très bien. Mais nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes venus avec un invité de marque, j'ai envie de dire, puisque, oui, il faut dire aux gens, bon, vous commencez à le savoir, mais c'est une c'est un floodcast qu'on fait à l'issue de la projection de Noël-le-Roi, et nous avons un des comédiens de Noël-le-Roi, puisque nous sommes avec Benjamin Tranier. Ouais. Le beauf, fais le beauf, Ça va, Benjamin? Ben oui, merci. C'est hyper sympa. Bon, attends, tu rigoles? J'ai 8 phrases et je suis là, c'est super. C'est vraiment formidable. Je suis trop content que vous m'ayez proposé. Ben, c'est toujours un plaisir. Ouais, j'étais trop heureux de t'avoir. Donc c'est un floodcast, mais comme à l'accoutumée, on va faire le jeu du floodcast. Je crois que je commence un peu facile. Ça a pas mal tourné, mais tant pis. Okay. Qui aurait envoyé par SMS à Gabriel Attal « Je vais transformer ton chien en kebab » et à Bruno Le Maire « Tu es une grosse merde ». Fastoche. Vas-y. La zinzin des ministères, la zinzin de la culture, j'ai nommé Madame Rachida Dati. Mais qui n'a jamais envoyé un petit message comme ça de « je vais cramer ton clébard » ? Non, moi c'est... Ça c'est la limite d'Adrien, tu l'attaques là sur... Ouais, t'es une grosse merde. Insulter Gabriel Attal, pas de problème, mais le chien, il a rien demandé quoi. Elle a insulté qui d'autre déjà ? Alors, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, c'est et Cédric Doumbé, ça c'est vraiment étonnant. Elle lui dit hey, ton écharde là ou quoi là. Bah, un contre un, quand tu veux. Non, elle avait insulté aussi Brice Hortefeux en 2013 en disant salut le facho. Salut le facho. Ah, sympa quand même. Il y a un truc. Il y a un truc de politesse. Mais elle aurait démenti le tuer d'une grosse merde. Elle a dit non, ça j'ai pas dit. Ce qui est un peu marrant parce qu'elle a pas démenti le chien en kebab. Ce qui était le pire. Ouais, oh, celui-là. Mais... Bah non, mais il y avait une menace, quoi. Une grosse merde, c'est juste. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. est-ce que vous pouvez vous embrouiller par SMS? Toi, tu peux être sécos, Adrien. Moi, tu non. Peux être sécos. Tu peux être sec par SMS. Je suis pas en train de régler mes comptes devant les gens. Hein. Non, totalement, apparemment, vraiment, t'as mis. J'ai commencé facile, oui, c'était. Tu voulais en venir à ça, apparemment. T'as déjà envoyé connard, c'est quand le train? T'as envoyé ça une fois? Non, par message, embrouillé, c'est un peu... Ouais. Notamment parce que t'as pas le ton. Donc, tu peux provoquer une embrouille par texto parce que justement le ton est mal interprété. Mais après, je préfère être lâche et ghoster la personne. Non. Et laisser la situation pourrir, tout simplement. Ouais, voilà. Non, non, pas trop, je pense. Ouais. Mais un texto, c'est lâche, hein, déjà. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé et la personne t'appelle immédiatement. Pour... Je dis, tout de suite, je crois que t'as mal compris le texto. C'est pas ça que je voulais te dire. T'es pas une merde. C'est pas ça que je voulais te dire. Mais voilà, je suis incapable. J'avais mis les deux accents circonflexes derrière pour dire c'est une blague. Un petit émoji. Ouais, non, c'est le petit émoji à remplacer, ça, pour éviter l'engueulade. Moi, par exemple, je n'utilise jamais d'émoji. Maintenant, pour dire non, mais c'est une blague. Je plaisante. Tu mets clin d'œil avec la langue tirée. Je déconne. Non, je mets un petit audio où je fais. Et je rigole, hein. deux femmes ont voulu retirer de l'argent venant d'un compte qui n'était pas le leur. À votre avis, comment s'y sont-elles pris? Elles ont volé la carte de la personne. Alors, oui, ça serait fastoche. Je serais déceptif, un peu. Oui. Mais la vie est déceptive, oui, je suis d'accord avec toi. Et le lien, décevant. Que ce soit deux femmes, pas non. Forcément femmes, mais deux personnes, il y a un... Non, non, c'est pas un indice. Okay. Ni femme ni deux. Donc c'est comment elles s'y sont pris finalement pour voler la carte de la personne? C'est pas vraiment ça. Non non non. Oula. Non je sais pas. Non mais je suis. Elles ont utilisé un distributeur ou pas? Non, elles sont allées. Un dab. Au guichet. Oh. Là les gens l'ont pas à l'audio mais ils viennent dabber. J'ai dabbé. Ouais. Enfin, ça allait hyper vite dans ma tête. Et le public c'est très beau. Dans la salle. Il y a un ballon glacé. Aussi j'ai vu tout à l'heure. Il y a quoi? Il y a un ballon là. Il y a... Ah oui, incroyable. Donc faites le ménage en fait. Mais en même temps, il faut un sacré escabeau. Non, alors, elles n'ont pas utilisé un distributeur automatique de billets. Ah non, elles sont allées... Elles sont allées à la banque. Ouais. Elles sont allées au guichet en tout cas. Est-ce que ces deux personnes très petites, elles se sont mises sur les épaules l'une de l'autre avec un long manteau, plus un masque en latex de la personne pour dire « Oui, oui, c'est moi, je suis grand, j'ai pas 11 ans. » Non. J'aurais adoré, mais ce n'est pas ça. Non. Mais tu sais quoi? Le masque, il n'y a pas un truc. Il n'y a pas un ça. Truc de masque, mais de masque, mais tu t'approches. Elles ont dû usurper l'identité de la personne. Tout à fait. Une IA au téléphone. Non, pas une IA. Non, elles sont allées au guichet, vraiment. Est-ce que c'était Patrick Sébastien? Elles ressemblent à la personne. Elles ressemblent à la personne. Elles ressemblent pas à la personne. C'est pas Patrick Sébastien qui s'est grimé, comme dans De l'autre côté du miroir. Donc il y a un truc de make-up? Non, pas de make-up. Un tout petit. Non, ensuite, faut... Elles ont changé leur apparence? Pas leur apparence. Leur voix? Pas leur voix. Ce ne sont pas des imitateurs. Est-ce qu'elles ont mis un masque, un truc non. Pour se cacher le visage? Non, pas de masque. Elles sont. Comme de la Casa del Papel, par exemple. Oh, oh c'est une ref, je ne sais pas si vous l'avez. Moi, j'ai aimé à partir de la saison. Ne pas rire dans le micro, surtout pas. T'as voulu lancer un beatbox? Oui, juste le début. est-ce que juste la personne du guichet était incompétente? Il a juste dit oui, ça correspond pas, mais tant pis. Non. Oui, ce qui arrive. Ouais. On peut savoir la somme qui a été tirée? Non, ça n'a aucun lien. Blou, blablou. Non, je l'ai pas. Mais ça n'a pas d'importance, j'imagine. Ça n'a pas d'importance. Okay. C'est pas pour te dénigrer. Non, non, mais je vois bien que je suis pas dans votre équipe, il y a pas de problème. Attends, c'est un peu dur. Hop, non, mais vous êtes deux potes, ça vous voyez. Non, mais bah, c'est de la mise en scène, c'est de la scénographie. C'est gratos, hein. Enfin, non, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui ont une idée? Même famille, il y a eu. Nom de famille? Même famille. Pas même famille. Quelqu'un a dit, elles se sont rasées les cheveux. Je peux me permettre. Je retranscris tel quel. T'es intraitable. Non, non, mais... elles se sont pas rasées les cheveux, non. Sinon, ouais, il serait pas physionomiste parce qu'il dirait bah déjà vous êtes deux, lui il était un. Donc attends, Il y a une histoire de décès ou de. Oh, oh. Oui. Ah, la personne est morte? Oui. Et... Non, pas un fantôme. Un fantôme. Vraiment, je suis le fantôme à la quéquette tordue. Ouais. Et le banquier, pas de problème. Signez là. Un autre fantôme, j'aurais rien dit. Là, c'est une star. Celui à la quéquette tordue. Non, est-ce que c'est une la personne est connue ou pas? Non, pas du tout. Non, okay. Non, mais c'est quelqu'un qui est décédé. Et à votre avis, justement, c'est parfaitement lié à la réponse. Elles se sont fait passer pour leur fille ou leur femme ou... Non, elles vivaient avec le gars, les deux femmes de 63 ouais. Et 55 ans. Et elles ont dit, il nous envoie retirer des sous. Alors ça, elles l'ont dit au début. Okay. Elles ont dit, mais on vient pour lui, là. Il s'était fait passer pour mort. Ah non, il est vraiment okay. Décédé. Ok. C'est pas parce que tu lèves comme ça ton doigt. Pardon. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'elles faisaient genre, elles étaient au téléphone avec lui? Il dit, tu veux tirer combien? Attendez, je lui demande. En fait, il était mort, le mec. Oh, le subterfuge. Le pire banquier. Non, mais on s'approche. Oh, waouh. Ah ouais. Genre il est garé en double fil, un truc comme ça. Non. Mais c'est pas possible cette histoire. Ah bah si, c'est ce grenu. Ouais. Ah c'est, j'irais même jusqu'à dire insolite. Ah ouais, c'est quasiment une news du Floodcast. Ouais. Vous lire. Je vais vous le donner. Non. Non. Est-ce que quelqu'un a une idée? Très bonne réponse. Oh. Elles ont amené le corps en disant « Non, non, mais il est vivant, regardez !» Mais non, non. Wow. C'est vrai? Exceptionnel. Non, mais c'est Weekend at Bernie's. Ouais, c'est vrai. Aux États-Unis, deux femmes de 63 et 55 ans ont été arrêtées après s'être servies sur le compte bancaire d'un homme décédé en se présentant à la banque avec son cadavre. Selon Stell, la banque avait autorisé les deux suspects à retirer de l'argent sur le compte de Lehman, c'est le nom du mec mort, à condition qu'elle soit accompagnée par lui. Karen et Laurine seraient alors arrivées à la banque lundi 4 mars à bord d'une voiture dans laquelle elles avaient placé le cadavre du défunt, un homme de 80 ans prénommé donc Douglas Lehman en évidence. Le corps a été placé dans le véhicule de telle manière qu'il soit visible par le personnel de la banque afin d'effectuer le retour. Ah, d'accord. Et non, elles l'ont pas fait. Non, elles n'ont pas fait un Jeff Panaclock avec le bras. C'est vraiment ce que t'as mimé, quoi. Oui, c'était plus marrant, excuse-moi. Oui, bah, ouais. Moi je veux que ce soit précis. Eh, hey, retire de l'argent, connasse. C'est vraiment Jeff Panaclock, arrêtez. Mais alors, juste, elles avaient le corps sous la main, quoi. Genre, mais elle l'a tué, elles l'ont tué? Non, l'histoire ne le dit pas. Mais d'où elles sont allées? Il était à la maison? Ah non. Le corps? C'est quoi? C'est ce qu'est. Bon bah, ramène le corps, écoute. il est dans le salon. C'est vrai, on dirait vraiment qu'ils ont dit non, non, il faut la personne. Bah, on vous le ramène, mais il est mort, quoi. Ouais. Vraiment. Moi, je veux bien, mais. Après avoir effectué leur retrait, Karen et Laurine sont rendues aux urgences d'un hôpital où elles ont déposé le corps sans donner son identité. Quelques heures plus tard, l'une d'elles a appelé l'établissement de santé pour identifier le défunt. C'est cet appel qui a permis à la police de remonter jusqu'aux deux suspects interpellés. Les deux femmes ont déclaré avoir trouvé l'octogénaire décédé dans la maison où ils résidaient tous les trois. Lors de leur interrogatoire, les suspects ont déclaré avoir l'habitude de retirer de l'argent sur le compte de Lehman. Donc, aucun sens. Oui, elle le faisait avant. Avant, elle le faisait. Et maintenant, il est mort. Elle continue, mais elle ramène le cadavre. Bah, apparemment, parce que les personnes ont demandé, visiblement. Mais en plus, elles n'ont pas vraiment retiré beaucoup d'argent. Elles voulaient juste payer certaines factures. Mais en dehors de cela, aucune motivation spécifique n'a été fournie. Ouais, bon, bah, pour moi, c'est bon. On les laisse repartir. Mais c'est la pour nouvelle moi. Chronique du Floodcast. Adrien dit, coupable ou pas, là, c'est cool. On va pas engorger la justice avec des trucs. C'est bon. Voilà. On sait que c'est pas une solution. Elles l'ont amené après, le corps, tout va bien. En tout cas, y a un truc qui s'appelle porter atteinte à l'intégrité d'un cadavre. C'est une vraie loi. Et les deux femmes ont été placées en détention. Elles vont écoper d'une amende de 5 000 $. Ah, je vais passer un coup de fil. Est-ce que vous avez une bonne relation avec votre conseiller bancaire? Avec les cadavres. Yes, bah, carrément. Bah, oui. Est-ce que tu l'appelles déjà? Est-ce que c'est un gars ou une meuf que tu... Que... Moi, je n'appelle personne. Surtout pas. Non, mais en plus, moi, je suis vraiment un idiot. C'est-à-dire que moi, il me parle et je comprends rien, quoi. Ils me sortent des termes qui, je pense, sont vraiment dans le vocabulaire de n'importe qui, mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, quoi. Donc, il me dit, non, bah, ce qu'on va faire, je vais vous faire très simple. Hein. Et puis, il me dit des trucs, je fais... Donc, je me sens stupide en sortant. Plus, moins je leur parle, mieux c'est, quoi. Mais je ne crois pas que c'est du comme du mental. Moi, j'ai comme toi. Moi, j'ai même pire, j'ai l'impression que... Bah, tu sais pas. En tout cas, je suis comme toi. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, banque. Ah ouais. Ah non, ça je l'avais. Ouais, donc tu vois. Ouais, t'es plus con, pardon. Ouais, non mais... Mais par exemple, moi, j'ai l'impression même qu'il veut m'arnaquer, des fois. J'ai un peu moi. T'es une vieille dame, t'es une vieille personne. Ouais. Rendez-moi mon argent. Non mais il me dit, non mais là, si vous mettez ça dans un compte PPT avant le 15 février, non mais là, vous avez un taux. Je fais, non, bah, tu me la feras pas. Tu me la feras pas à moi. Bah, cela dit, c'est possible, enfin, je veux mais dire... Mais c'est ça. Oui. Moi, mon père, moi, il... Je dénonce, pardon. Voilà. Rachida Dati, wow. Les banques, calme-toi, Adrien. Ah non, mais bon. Toi, Benjamin? Je m'entends bien avec tous mes conseillers. Donc, les 10. J'ai 3 banques, quoi, comme tout le monde. Quelle banque en vrai? Moi, je suis banque en ligne. Ah, t'as sauté le pas. Sponsor, on peut le dire, t'es sponsor. Sponsor, je les embrasse. J'ai la. Banque familiale, tu sais, de tes parents qui t'ont ouvert un livret A. Ce que j'appelle communément ma banque. Exactement. mais comme je me faisais avoir tout le temps, j'ai ouvert un compte dans une banque en ligne, quoi. Bourse-Bank? Je suis chez Before Bank. Moi, je suis Before Bank. Très simple. Non, mais ils répondent assez vite, je dois dire. voilà, mais ça ne sert à strictement à rien. Avis aux amateurs. J'ai une news pour vous qui concerne Bordeaux. Oh, pas mal. Un voleur s'est spécialisé dans un type de vol très particulier à votre avis, lequel ? Les cannelés. Non. Le vin. Les Girondins. Alors, c'est un rapport avec les NFT un peu qu'on disait justement ? Non, non, non. C'est un truc sur Internet ? Non, pas sur Internet. Des objets physiques ? Et physiques. Et c'est très lié à Bordeaux ? Non, pas du tout. Rien okay, à voir. Ça se passe à Bordeaux. Ça se passe à Bordeaux. Mais sinon... Oh, ça n'a... Ouais, on s'en fout. Ça pourrait se passer n'importe où. Est-ce que c'est des objets ? Ce ne sont... C'est des êtres vivants ? C'est pas vivant. Non, non, c'est... Oui, c'est... n'est pas doté de vie. Donc c'est des objets, mais pas vraiment ? Si, des objets ? C'est des objets, mais c'est... Ouais, ouais. Je vais... M'embrouille pas. Tu vas me détester. Ouais. Oui ou non ? Oui, oui. Hausse pas les épaules. Oui, oui. Ou non. Est-ce qu'il les vole chez quelqu'un, chez un particulier, chez... Plutôt chez des professionnels. Ah. Est-ce que c'est il a toute une arnaque, une routine d'arnaque qui ouais. fait que à l'issue de ça, il a même une il cible, un petit objet. Dans... Ah oui. Ouais. Une personne en particulier. Non, non, un type cible, de personne. Un type de personnes de âgées. Commerce. Là, je vous le dis. Ah, des commerces. Commerce ou autre. Des maraîchers. Pas des maraîchers. Il aurait volé l'orange, c'est Michel. Bah. Mais c'est des trucs qui se revendent bien ? Non, que tu gardes pour toi et après tu peux en faire des trucs. Mais ça donc se revend c'est pas. Pour sa consommation personnelle, pour son plaisir ? Oui. Est-ce que c'est un peu genre nul ? C'est pas ouf. Ok. Des cartes Pokémon ? Non, c'est un peu plus ouf. Big Flo qui nous écoute. Cette oui, passion est ridicule. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux consommer ? Non. Non. Non. C'est périssable ? À terme, mais non, non. Mais tu dis c'est plus ouf que les cartes Pokémon quand même. Bon, moi je trouve, mais après j'ai peu de respect pour les cartes Pokémon. D'accord. Oui, tu dis que c'est pas un truc de valeur. Ben, cumulé, si. En fait, chercher, oui, bah, chercher. Tout a de la valeur cumulé. Écoute. Mets-moi une patate dans la glotte, tout simplement. Est-ce que quelqu'un a une idée ? En fait, le type de commerce qu'il vole vous donnera l'indice direct okay. pour trouver alors, la réponse, okay. je pense. Donc attends, supermarché ? Non. Librairie ? Non, pas librairie. Est-ce que ça, c'est un commerce qui vend un type de truc ? Non. Une épicerie ? On se rapproche. Une supérette ? Non. On s'éloigne. Non. Les distributeurs automatiques. C'est pas. Enfin, je sais même pas. Ils volent des chips. Je crois qu'on a le même cas de figure que mammifère et sanglier. Je suis pas certain que c'est un commerce en fait. Bon. Bon, Navo, t'es dispo. Je savais bien que ce jour arriverait. C'est dans les restaurants. Oui, bah c'est un commerce. Un peu, tu vois, mais oui. tu comprends. Ils volent des couverts. On s'est reconnecté un peu, t'as vu ? Oui, oui. Ils volent des couverts ? Pas des couverts. Vous voyez les ananas un peu... Ananas, je dis genre, je mets pas le S à la fin, c'est important. Ouais. Tu sais, un peu doré qui se visse et tu oui. peux mettre des trucs dedans. Ouais. Vu de mes yeux, vu un restaurant de pas très bon goût, puisqu'il y avait ça dans le restaurant, Valérie D'Amido le voler et se faire prendre à la sortie. Aïe, aïe, aïe, aïe. Wow. L'horreur. Elle a vraiment des goûts de chiottes, c'est véridique. Oh, dis donc. Il est... Dans les restos, il y a quoi qu'on peut voler ? Alors que c'est pas les couverts, pas les serviettes. Les nappes ? Pas les nappes. Les chaises ? Les nappes situation, d'ailleurs. Ouais. Yes, mon pote, on est toujours Bravo. Dans le coup. Ouais. C'est une rêve jeune, ce que je viens de faire, là, un peu. Les couverts en inox les verres, tag. Les oh, pas mal. Le Bravo. Pain de mie chou ? Non. Franchement, je m'en fous. Encore une heure de ça. Encore une heure. Les verres Rino. Ouais. Vieille référence. Il y a du web. Désolé du pour web. Verres Rino, hein, c'est pas... Ouais, ouais, oui, non, mais... putain, dans un resto, la déco, les tableaux. C'est pas de la déco, c'est même pas un truc utilisé pour bouffer. C'est vraiment spécifique au restaurant. Le petit truc pour ouais. enlever les miettes ? Non, le petit peigne là, le petit. Ouais, j'adore non, ça. Non, ouais, j'adore aussi. C'est spécifique au restaurant, il n'y a pas ouais. de ça ailleurs ? Non. Bah allez, là, tu l'as là. Bah non. Comment ? Oh, attendez. La carte du Franchement, resto. Franchement, hey, mettez-vous d'accord. Le menu ? Pas le menu, pas la carte. Pas l'addition ? Pourquoi il volerait l'addition ? C'est pour dire n'importe quoi. Okay. Attendez, elle essaye de mimer. Je te prendrai pas au Time's Up, par contre. Du beurre. Le truc de carte, le lecteur de carte. Le... Ah, hein, quoi ? Putain, je suis perdu. Pour moi, c'est du beurre. Ah, le support où on pose l'addition. La petite quoi? Oui, je te souviens. Un truc. Ah ouais. Non. Non. Voilà. Mais on l'a eu ensemble. C'est ça le plus important. Pas le vin du coup, puisque de la tuite. Les pourboires. Alors, les pourboires. Pas sur ce ton. Hein. Vraiment. On t'invite à la télévision. Qui t'invite? Bonne réponse que t'as googlisé, mais très bonne réponse. Ouais. Les pourboires. Les pourboires de. Alors, ça avait été dit là-bas avant, donc. Il a vous l'aurez dit... pas là-dessus, vous l'aurez pas. Il a vraiment dit le mot pourboire comme dans la vidéo. Internet. Internet. Les pourboires depuis plusieurs semaines. Alors, et là, l'heure où on parle, personne n'a mis le grappin dessus. Il est peut-être ici, c'est peut-être lui. Il est peut-être parmi nous. Depuis plusieurs semaines, un individu s'amuse à dérober ces petits cochons disposés sur le comptoir et dans lesquels on peut glisser une pièce après avoir réglé l'addition. Un restaurateur a même pu identifier le coupable. Il s'agissait pourtant d'un client lambda qui n'apparaissait pas du tout menaçant. Il y a des pourboires dans les bars, par exemple, aussi. Donc c'est pas spécifique au restaurant. T'as raison, c'est ma faute. Il a fait semblant d'appeler ses amis pendant un quart d'heure. Il est resté au bar, mais on ne l'a pas surveillé. C'est une personne lambda, âgée d'une cinquantaine d'années. Au bout d'un moment, il est parti et a dit à mon responsable de salle « Bon, ils sont là, je vais les chercher. » Mais il n'est jamais revenu. Et au bout d'une heure, un premier client vient pour payer et veut laisser un pourboire. Le cochon avait disparu. Waouh. On le cherche encore. Attends, donc ça, c'est à Bordeaux. Ah oui, c'est pour ça que tu dis. Eh oui, il est peut-être parmi nous. Bah, bravo. Il faut savoir que dans cet établissement, le nouveau cochon tirelire est désormais enchaîné au bar. Vous voyez les conditions dans lesquelles sont les restaurateurs à Bordeaux. C'est vraiment, les gens sont très stressés. Un rassemblement a eu lieu au Zénith de Limoges. À votre avis, cela concerne quel sujet? Un énorme rassemblement qu'il y a eu récemment. Ce week-end. Alors, non, attendez. On va jouer un peu, sinon ça va durer 30 secondes l'épisode. Il faut qu'ils essaient de chercher. Et ensuite, si on ne trouve pas, je vous demanderai effectivement la réponse. Désolé d'être un petit peu directif, mais ouais. C'est pour le bien de l'émission. J'ai jeté un froid. Sauf si vous bien. Avez évidemment des jeux de mots avec les cartes de Doumbé là. Sauf si évidemment vous avez des jeux de mots avec des couverts et des youtubeurs célèbres. Et dans bien ce cas-là, sûr. N'hésitez pas. Là, mais pour la réponse, on va essayer d'abord de trouver ici. Donc c'est un rassemblement qui a eu lieu au Zénith de Limoges. À votre avis, ça concerne quel sujet? Des sosies. Pas les sosies. Oh mon rêve. Je suis fasciné par les sosies. C'est des youtubeurs justement. Pas c'est Video YouTube. City Paris. Non. Mais à Limoges. Ouais. Un truc de plus gros mangeur de quelque chose? Non. Un truc avec un rapport avec des records? Pas des records. Est-ce que c'est que des gens qui ont un point commun? En tout cas, ils ont une passion commune, quelque chose, un centre d'intérêt commun. Ok. En tant que ça peut être des gens qui en parlent, ça peut être des gens qui sont intéressés par le sujet, etc. etc. Une collection? Un type de collection? Pas une collection. Genre les ridicules cartes Pokémon de Big Flo, par exemple? Non, je sais pas. Un rassemblement genre Buffy contre les vampires ou un truc comme ça. Parce que c'est en 2002 cette nuit, ouais. On peut le dire. Ouais. Non mais des fans quoi, des fans de quelque chose. Non, c'est pas ça. Puisqu'ils sont tous à Limoges. Hein. Ouais. Ils sont rassemblés là-bas, comme dans la série. Une activité physique? Non. Une activité artistique? Non plus. Il peut y en avoir je pense dans le Zénith, mais c'est pas ça qui les relie. C'est pas des fans de, je sais pas, type de musique ou de film. Attends, tu c'est dis pas le salon de l'érotisme de Limoges que t'es en train de me parler de pétard. Que... un jeu, un type de jeu. Pas un jeu. Genre Sudoku. Non, c'est vraiment un sujet. Enfléché, mot mêlé. Oh la réunion chiante. De ouf. Ça doit exister, mais peut-être pas dans un Zénith. Oui, dans un EHPAD, tout simplement. Est-ce que ça a un rapport avec Internet? Non. Ok. Pardon. Est-ce que quelqu'un, peut-être on peut demander. Là, on peut demander. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Ah, vous pouvez hurler, allez-y. Hein. Les voilà. Extraterrestres. C'est vrai, wow. C'est ça. Ouais. Mais genre pas dans la fiction. Moi, je dis les Elohim, mais après je sais pas comment vous. Enfin, moi, je donne le vrai nom, quoi. Donc voilà. Tu veux un miroir, peut-être pour. Faut bien se regarder le trou, c'est important. Je voudrais vous parler de Noma. Noma, c'est le nom d'un monstre qui dévore les enfants. Ce n'est pas du cinéma. Ce monstre existe vraiment. Il leur saute au visage, puis il les tue. Noma grignote tout. La chair, les os, l'espoir, la dignité. Et pourtant, il est tellement plus facile à soigner qu'à regarder. 10 euros suffisent à sauver une vie. Pour que la maladie du Noma ne vole plus le visage des enfants, donnez sur vaincre-noma.com. Un congrès extraterrestre s'est tenu aux Zéniths de Limoges ce week-end. Des participants se préparent à l'arrivée des aliens. D'autres sont persuadés qu'ils sont déjà là. Ce monde très fermé et anti-média, ouais, par hasard, peut parfois adopter les thèses les plus complotistes. Après avoir déboursé 150 euros... Ah, tout de même. Carré hors d'Elton John, pas mal. Il est possible d'entrer dans la salle de spectacle dans laquelle des milliers de têtes regardent la scène décorée en vaisseau spatial. Les présentateurs sont habillés comme dans Star Trek, en tenue de voyageurs intergalactiques. Et du coup, ils croient aux extraterrestres, ouais, mais ils se déguisent. Non, mais le déguisement, je pense que c'est le journaliste qui a dit « on dirait Star Trek » alors qu'ils te diront « pas du tout ». Oui, mais tu dis quand même que la scène est en forme de vaisseau spatial. Ouais. D'accord. Ouais. Les participants sont invités à se connecter avec les extraterrestres. Pas mal. Anne Givaudan, qui se fait appeler la reporter galactique, elle préfère qu'on l'appelle comme ça, ouais, voilà, okay, raconte comment elle aurait pris contact avec des êtres cosmiques. Pour elle, comme pour de nombreuses autres personnes dans la salle, les extraterrestres sont déjà présents sur Terre et contrôlent une partie de la société. Bah oui. Comme le Floodcast, par exemple. Quelques 2200 personnes venues de toute la France, pas mal quand même, voire de l'étranger, étaient réunies ce week-end. C'était le Symposium Exovision, organisé par l'Alliance Céleste. Et donc il y avait en plus 147 balles de plus si tu veux aller à la soirée du gala final. Donc ça fait quand même 300 balles le délire. Ce rassemblement permet d'ouvrir les consciences, estime Dani, pas Dani Boone, hein, c'est une participante. Attends, Dani ou Dali ? Dani. Dali. Non, j'ai juste pas entendu. Une participante posée à l'heure du déjeuner dans sa camionnette sur le parking de l'enceinte. C'est une chance pour nous en tant qu'individus, mais aussi pour la nation. Cette femme de 70 ans, venue de Charente-Maritime, affirme avoir vu des vaisseaux deux fois dans les années 90, et elle dit « c'est pas une association, je sais ce que j'ai vu, mais au niveau de l'État, tout est caché, camouflé ». Je peux t'assurer que dans les 2200 personnes, il y a la sœur de XDDL. Ça, c'est sûr et certain. J'en suis sûr et certain. Donc voilà, plus loin, Simone, ancienne médecin psychiatre, tiens, venue du Vaucluse, explique qu'elle communique avec des êtres d'autres planètes à Acturus, la Lyre Alpha, et qu'elle est proche des Paléiadéens. Bah ouais. Mais attends, de quoi ? Acturus, j'ai entendu ? Oui. Donc elle avait vraiment pris Actarus de Goldorak, elle a changé une lettre. C'est un plagiat, un immense plagiat à mes yeux. Est-ce que vous, plus petit, vous étiez intéressé par les extraterrestres ? Vous pouviez y croire même. Adrien, toi qui crois un peu à tout, est-ce que c'est un truc qui t'a... Toi qui es crédule, disons-le. Les extraterrestres, pas trop. J'ai eu, quand j'avais 11-12 ans, une période spiritisme un peu. Ah ! Très rapidement. Ah oui. Bon voilà, très rapidement, je me suis aussi rendu compte que c'était de la connerie, mais non, j'ai pu croire à ça. Les extraterrestres, j'ai pas trop l'impression que. Ça t'intéresse pas. Malheureusement, pour le bien de l'émission, j'ai pas d'anecdote sur les extraterrestres. Non, moi en CE2, CM1, c'était l'arrivée des Pokémon. Je reviens dessus. Il y a un gars qui m'a fait croire, et j'y ai vraiment cru, qu'ils existaient vraiment. Ah. Et pour être pote avec moi, il m'a dit je vais t'en ramener du Japon. 20 francs, j'ai lâché 20 francs comme ça, que j'ai jamais revu. Et ça, c'est l'organisateur du truc au Zénith de. Je pense il m'a plus jamais reparlé. Et moi, je me suis dit, ah, ça veut dire que ça. Il n'y a pas de drac au feu, apparemment. C'est terminé. On m'aurait menti, apparemment. Voilà. Mais attends, t'as continué. J'ai très cru. Non, je sais pas pourquoi j'ai cru à. Je croyais pas au Père Noël, mais Pokémon, pourquoi pas. Et t'as certaines bestioles, on dirait des Pokémon, hein, au final. Vraiment, gogol. Non, mais genre, t'as continué à le voir, ce gars ? Oui. Et t'as pas osé aller lui dire, dis donc. Non, et puis je me suis dit, je voulais pas l'afficher, parce que je serais passé comme les gens qui se font arnaquer, quoi. Ah oui, t'as pas vraiment pour le golmonde de l'école primaire, quoi. Donc, j'ai rien dit. Une journaliste a fait un test ADN, et les résultats l'ont particulièrement surpris. À votre avis, que lui est-il arrivé ? Et ce n'est pas le scénario du film Cocorico, ouais, que je vous demande. Les résultats, il y avait quelque chose d'étonnant, c'est ça de... Alors tout était un peu étonnant. Elle a fait une expérience. Ah, elle avait tous les dictateurs du monde dans le sang. Elle a réuni au Zénith de Limoges d'ailleurs. Elle a envoyé la salive de son chien. Alors c'est pas ça, mais tu t'approches. D'un animal. C'est autour du chien. Ah. Qu'elle a dans son ADN. Ah, quoi ? Du chien. Non. Elle a envoyé de l'ADN. Elle est enceinte d'un chien, disons-le. Elle a envoyé de l'ADN ou son ADN ? Elle a envoyé son ADN. Ah, mais là, vous parlez d'un chien. C'est non, justement. Justement. Okay. La question dit, une journaliste a fait un test ADN et les résultats l'ont particulièrement surpris. Ah, elle s'est plantée. Et il y a eu son chien qui a léché un truc. Alors non, Dans le chien n'a rien léché. Ouais. Enfin, est-ce que on a envie d'y aller. On a envie d'y aller. Bah, bah oui, je comprends. Évidemment. Un petit peu de beurre de cacahuète. Ouais. Eh ben non. L'anecdote est moins. C'est voilà. Pas le genre de la maison en fait. Hein. Un peu plus classe. Ouais. Désolé. Excuse-nous. Hein. Est-ce que genre ça lui a dit vous êtes allergique au chien et elle a dit bah non. Je sais pas moi. Très bonne réponse. Non non non. Non, en fait, il y a un petit piège. Il y a un petit piège. En fait, quand je vous dis qu'elle a envoyé son test ADN... Enfin, elle a envoyé son ADN, quoi. Son ADN, pour avoir... Enfin, elle a fait le test ADN, mais en gros, il y a un site qui s'appelle DNA My Dog. Ah oui, elle a envoyé son ADN. Ah, c'était l'inverse de ce que j'ai dit. Exactement. En fait. Et c'est un Labrador, Sherpaille et un Malamute d'Alaska, cette femme. Ah, donc c'est, en fait, c'était pour dire... C'est de la grosse merde. C'était de l'arnaque. Ouais. En fait, à la base, elle l'a fait pour rigoler, entre guillemets. C'était genre... Oh, non, tu penses pas Oui, c'est pas hilarant, quoi. Pas mal, quand même, pour savoir... Moi, j'aimerais bien savoir quel chien je suis, tu vois, si j'envoie mon test ADN. Et donc, oui, pour la blague, elle a envoyé son ADN. Ils vont forcément me dire que le test est impossible. Et non, elle a reçu les résultats. La société a reconnu dans son ADN celui de trois races de chiens, Labrador, Sherpaille et Malamute d'Alaska. Est-ce que vous aviez fait le test ADN à l'époque? Non. Non, ça t'intéresse pas? Moi, ouais. Ah ouais? Et alors? Eh bien, selon le test ADN, je suis plus de 50% espagnol, ce qui est crédible avec les origines de mes... Quelqu'un dit « Ouais !» Bah, t'es torero, déjà. Ça c'est la pas. Moustache, c'est la moustache. Ouais, on le voit d'ici, ouais, t'es bien espagnol, ouais, y a pas de problème. On voit les poils qui dépassent du t-shirt, je sais pas. Non, ouais, ça colle avec les origines de ma mère. Et voilà, donc génétiquement, je serais plus espagnol que français. Et c'était que ces deux-là, toi? Non, bah après, il y a toujours plein de trucs, mais bon, c'est en très, très, très, très peu, et puis je ne les ai pas en tête. Ouais. Et moi, non, je n'avais pas envie de le faire, le test ADN, parce que j'ai des convictions politiques, et puis je ne voulais pas que ça me change mes habitudes. Peur d'être déçu? Ouais, j'avais peur d'être déçu. un chef. Cela dit, j'ai été contacté par un mec qui est très clairement de ma famille plus ou moins éloignée. Parce que ouais. Sur le site, tu peux faire le choix de rendre en gros plus ou moins public, en tout cas public aux gens qui sont inscrits et qui ont fait le test. Et du coup, ça permet de trouver des gens qui seraient de ta famille. Et il y a un gars qui m'a contacté et clairement, c'était... le sosie de mon oncle, donc c'est clairement un gars de ma famille éloigné. Et de moi, quel pays, France ou... bah, un mec qui vient d'Espagne, et puis incroyable. Qui a vécu en Suisse. Et c'était José Garcia. Exactement. Et ils se sont retrouvés sur ce film. Cela dit, il ressemble beaucoup à mon oncle, vraiment pour de vrai. Hein. Surtout sur cette affiche. Oui, oui, bah oui. On est fâchés désormais, malheureusement. Ah, cool. Mais, non, et cette personne, tu sais, il m'a dit « Ah, ça pourrait être cool de se rencontrer », et ça m'a terrorisé, je ne l'ai pas répondu. Ouais. Voilà. Mais et, ça, cela dit, j'ai beaucoup... Les gens qui m'ont parlé, de gens qui retrouvent des gens de leur famille et tout, c'est toujours un peu... Ça se passe pas... Enfin, tu vois, c'est bizarre, quoi. Il y a un truc un peu étrange de... Ou des potes de fac, ou des trucs comme ça, c'est toujours un peu... Oui, parce qu'on n'a même pas de... On peut même dire, bah oui, bah, ça te fait penser à machin, parce qu'on connaît on a personne en commun, quoi. Donc vraiment, c'est juste un gars, en fait, quoi. Qui on a des arrière-grands-parents en commun, quoi. Donc voilà, j'ai eu peur. J'ai peur des gens. Un chef va proposer un repas dans un endroit un peu surprenant, à votre avis, lequel? Des chiottes. Pas si surprenant quand on voit certains restos. Oh. Ça, c'est une petite, hein, voilà, que je balance. Ce qui est bien, c'est le mec qui balance, mais sur pas de nom. Rien, ultra vague. C'est littéralement mes convictions. Quand on pense à certains trucs, enfin bon, ouais, je vais encore avoir des emmerdes. Je dis ça, vous faites votre chemin tout seul, hein, je veux pas d'emmerdes. Reliez les points, en fait. Ouais, vous avez... Ça me paraît évident. Un lieu pas très hygiénique, genre, ou... Non, si, ça va, ça va. Okay. Est-ce que enfin, ça va, j'en sais rien, mais je le vois pas comme un endroit sale. Moi, j'y suis jamais allé, par exemple, dans cet endroit. C'est un lieu... Dans l'espace. Très bonne réponse de Benjamin Tranier, bien sûr. Parce que je sais que c'est le seul endroit où il est jamais allé. Ouais. Ce globe-trotteur, là. un chef 2 étoiles au guide Michelin va proposer un repas dans l'espace. En 2025, la société américaine, et là, le nom va vous surprendre, Space VIP. Oh. Bon nom. Va proposer à une poignée de 6 privilégiés d'embarquer dans Neptune, une capsule qui va les emmener dans la stratosphère, et ils auront donc droit à un repas gastronomique. Ma question, quel intérêt, puisque tu vas le dégueuler à la seconde? Bah oui, déjà. Non, mais c'est vrai, c'est fou. Non, t'es mais là, on va être un peu dans un délire du le sous-marin du Titanic, là. S'il meurt, on va faire... Bah ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, dommage. c'était quoi votre meilleure expérience culinaire? Meilleur souvenir de resto? Ou pas, d'ailleurs, peut-être un repas... Alors, c'était pas le resto qu'on a fait juste avant, parce qu'il y avait marqué sur la carte « Barbac à gogo », je crois, non, un truc comme ça. Barbac en folie. Barbac en folie. Barbac voilà. En folie. Donc, et c'est écrit en dessous « Nique-toi, Adrien ». Voilà. Qui était fou, quand même. Voilà, avec des homards prêts à être ébouillantés vivants, vraiment, à l'entrée, donc pas mon mood, trop, voilà. Non, mais c'était bon, c'était bon. Non, c'était bon, pour de vrai. Mais il y avait une ambiance. Et on part demain, ça va. Et la meilleure, du coup. Comment ? Et la meilleure. La meilleure. Bah si, ouais, moi, c'est un resto à Albi, sur lequel j'ai été tombé un peu par hasard lors de mes pérégrinations avec mon camtar, qui s'appelle... Le ouais qui... le Robinson, c'est flippant un peu parce que c'est ton oncle. Non, j'en ai déjà parlé, je crois, mais ouais, le Robinson, je crois ça s'appelle. Et ça ne paye pas de mine, mais tu rentres et donc tu es au bord d'un canal, je sais pas ce que c'est, Albi, je connais pas trop. Comment? Le Tarn, merci. Au bord du Tarn, je le savais. T'es revenu là. Tu monteras là. Oui, je refais. Donc tu arrives, tu as le Tarn évidemment qui coule. Le Tarn que j'aime, que j'adore, que je connais par cœur. Et non, il y a une déco, une espèce de jardin tropical complètement exubérant. Et c'est assez fou, quoi, le cadre. Tu ne soupçonnes pas du tout ça quand tu rentres. Donc le cadre est important pour toi au resto? Le cadre... Ouais, alors déjà, ouais. C'était un resto végétarien, un buffet. Donc, moi, j'adore les buffets parce que, bah, tu vois, tu choisis un peu ce que tu veux, tu fais ta sauce, quoi. Ouais. Oh, ça, j'aime pas, mais ça, j'aime bien, je vais en prendre deux fois. Et pourquoi pas? Et alors quoi? Non mais attends. On va se priver? Non, bah non, on fera pas. Mais toi, tu tiens à ta liberté, en fait. Ah ouais, t'aimes pas que ça te tombe. Ils m'auront pas, ils m'auront pas. Non, bah non. Les aliens, là. Eh oh. Je suis espagnol, hein, quand même. Moi, je... Farniente. Oh, le taureau. Allez le maîtriser, celui-là. Non, et ouais, le cadre est, ouais, est important, quoi. Ouais, voilà. S'il n'y a pas de homard qui se... en train de dire, mort. Laissez-moi. Benjamin. Moi, j'aime beaucoup bouffer au resto et du coup, effectivement, souvent le cadre, je m'en fous un peu, souvent plus la bouffe et l'ambiance. Ouais. J'avais mangé un qui s'appelle Sushibe, qui est un maître japonais, et j'ai découvert vraiment Sushibe. Sushibe, ça s'appelle. Benibi, ouais, c'était vraiment dingue. Et un restaurant italien qui s'appelle Passerini. Ok. Voilà, à Paris aussi, faut aimer les pâtes, quoi. Mais c'est très tout le monde aime les pâtes. Tout le monde aime les pâtes, voilà. Et c'était délicieux. Voilà, et ça, je kiffe beaucoup. C'est vraiment des restos. À chaque fois que j'y vais, c'est dinguerie. Mais le cadre est infâme, apparemment. Non, le cadre est classique, normal, si tu veux. Okay, il n'y a pas de vue, il n'y a pas de. Oui, okay. Y a pas le Tarn. Sur le fameux fleuve. Ouais, voilà. Le Tarn, mon Tarn, comme je dis. Comme tu dis. Mon bon vieux Tarn. Est-ce que vous connaissez le loisir tendance en ce moment en Chine? Non. Non. Bah, je vais vous le dire. Non, c'est physique? Ouais, c'est un jeu. C'est un jeu sur le téléphone? Alors, le téléphone est utilisé, mais c'est pas un jeu vidéo, par exemple. C'est pas... Ah, c'est... Ok. C'est pas un jeu mobile. Est-ce que tu utilises ton téléphone, tu utilises le GPS de ton téléphone? Exactement. Ok. Genre un peu Pokémon Go, mais pas ça. Ouais. C'est une sorte de géocaching un peu. Tu vois ce que c'est, le géocaching? Non, c'est quoi? Il y a des trésors, entre guillemets, enfin des boîtes qui sont cachées dans des endroits, et toi, t'as un GPS et tu as les coordonnées, et tu vas voir, tu trouves le truc. Alors ça se rapproche un peu, c'est pas ça, c'est pas une chasse au trésor. Une chasse à l'homme? C'est un plus. Ah, ok. Non, mais en mode bonne ambiance, mais chasse à l'homme enfantine. Quoi? Un cache-cache géant? Exactement. Wow. Ils adorent le cache-cache en ce moment en Chine. Mais je comprends. C'est un mélange de cache-cache et de loup pour moi. Enfin, de chat, quoi. Ouais. Ah, toi, tu disais chat. Moi, c'était plus loup. Ça dit quoi, Bordeaux? Chat? Ouais, chat. Putain, moi, je disais loup. Comme le raconte le journaliste chinois Yezi Yang dans Meet Technology Review, Les chercheurs et les cacheurs se poursuivent et s'échappent en suivant leur position en temps réel grâce à une carte numérique sur le smartphone. Toujours d'après le reporter, cette modalité du jeu en accord avec son temps attire des milliers de personnes à travers la Chine. Parmi les joueurs, le quotidien, 90% sont désignés comme des souris et le restant comme des chats. Une fois les parties choisies, voilà. Donc ils jouent au chat et à la souris, tout simplement. C'était quoi, vous, les jeux quand vous étiez petit, outre visiter des Pokémon qui n'existent pas? Bien sûr. Tu jouais à quoi? Écoute. Ouais, non, si, il y avait l'épervier, quoi. Ouais, l'épervier, pas mal. Poule renard vipère. C'était quoi, poule renard vipère, déjà? Vas-y. Ah là là, alors je t'explique. Je sais pas, moi. T'as pas eu d'enfance ou quoi? Moi, j'étais sur Fortnite, désolé, les vieux. En gros, on t'a chacun un petit chasuble ou un petit foulard dans le dos, tu vois. Les poules mangent les vipères mangent les renards et les renards mangent les poules. Ah, ok. Et voilà. Mais, pas mal, non, j'ai pas eu ça. Du coup, tu dois attraper derrière le petit foulard. Ah oui, bah, nous on avait le jeu du foulard, moi, mais c'était un. Ouais, il y a eu ça aussi. Voilà. C'est vrai. Moi j'avais ça, mais j'ai pas eu de poule renard vipère. Il y avait un jeu aussi, je crois que c'était la gamelle, je crois, je sais plus. Mais ça, c'était en prison, ça, c'était autre chose. Oui, pardon, oui, c'est quand tu tapais pour protester contre l'État français avec ta gamelle. Oui, ça n'a rien à voir. Oui, c'est pas... Enfin, toi, tu y allais jeune parce que tu as une jeunesse. Mais... Oui, bah, je viens de la Hure. Hein. C'est le verlan pour rue. Hein, ouais, okay. C'était quoi la gamelle, tu te souviens ou pas? Non. Comment? C'était quoi en vrai, la gamelle? C'est... c'est une sorte de... En gros, il y a un ballon. Ouais. Tout le monde va se cacher. Ok. Et on shoot dans le ballon. Et okay. Celui qui doit trouver les autres doit aller chercher le ballon, le ramener à l'endroit. Une fois qu'il l'a ramené, il dit stop. Donc tout le monde doit s'arrêter. Et il doit essayer de repérer où sont les gens. Donc il a le droit d'aller où il veut. Donc il va, il fait ah toi je t'ai trouvé, t'es prisonnier. Ok. Et après il doit trouver les autres. Sauf que plus tu t'éloignes, plus les autres ont la possibilité de. Je vais pitcher Balatro après. Ouais. J'allais dire, mais c'est Balatro, ça. Et en fait, pour libérer les prisonniers, les gens, quelqu'un de caché peut aller shooter dans le ballon et le renvoyer, et ça libère tout le monde et ça repart. C'est pas mal. Ouais, bête c'est de hyper jeu. Bien. C'est... Mais ouais. Ouais, trop bien. Nous, on fait le loup touche-touche et le loup gelé. Donc c'était vraiment... Le loup quoi? Non, loup touche-touche, on dirait un truc chelou, mais c'était le loup, en fait. Mais le chat, quoi. Oui, le chat. Et loup glacé, c'était quand t'es touché, tu peux plus bouger. Chat glacé. Ah, ça existe aussi, chat glacé. Putain, incroyable. Oui. Loup perché aussi, j'imagine. Loup Béga. Loup Béga. Loup Béga. Ouais. Si. Et quand on te touche, tu dois trouver 5 mambo. les amis, ça fait bientôt une heure qu'on parle. Hein, donc on va faire une dernière question et après on fera les recommandations culturelles. Mm-hmm. Un homme a entretenu une relation avec une femme qui s'est avérée être un escroc. Pour autant, c'est lui qui risque de passer des années en prison. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait... L'escroc s'est fait passer pour une femme mineure? Non. Ok. Tant mieux, ça a mis une ambiance, donc c'est pas ça. Non, est-ce que c'est lié à la nature de la personne que l'escroc a incarnée? Non. Ou pas du non, non, non, non, non. Ils sont mariés? Ils sont pas mariés. Est-ce qu'il lui a dit des trucs qui étaient vraiment... Non, non, non, non. Non, l'escroc, d'ailleurs, est toujours... Enfin, n'a pas été attrapé, entre guillemets. Ils ne savent pas encore qui c'était. Un homme a entretenu une relation avec une femme qui s'est avérée être un escroc. Une relation pourtant, sur Internet, genre. Sur Internet, okay. Oui, c'est ça. Pourtant, ce n'est pas l'escroc qui risque de passer des années en prison, c'est cette personne qui a été arnaquée. À votre avis, pourquoi? Ah, d'accord, pardon. T'inquiète Oui, c'est vrai que j'ai posé parce des questions. Parce qu'il y avait des injures peut-être raciales? Non, non, non, non. Donc c'est pas la personne qui s'est fait arnaquer qui aurait dit des trucs ou non, menacé elle a rien ou rien. Non, elle a fait quelque chose. Elle a fait quelque chose. Ouais. Elle a rien hacké. Est-ce qu'elle a fait quelque chose sur Internet ou elle a fait quelque chose physiquement? Non, physiquement. Ah mince, j'aurais dit qu'elle avait envoyé des genre par exemple des photos d'elle nue, mais c'était une autre personne. Ah non non non. Est-ce que le moi je fais ça. Parce que ça va avec tes convictions politiques. Exactement. Non, en gros, est-ce que l'arnaqueur a dit j'habite à tel endroit et la personne y allait et rentrée par infraction pour le... Non. Non. Non, mais ça aurait été pas mal. Ça aurait été bien. Ouais. Franchement, pas mal. Comment je pense. Écrit des scénars, franchement. Non, c'est plus, il risque plus de années de prison que s'il avait fait ça. Il y a eu violence. Il y a eu violence. Ah, est-ce que elle a genre tabasser la personne qu'elle pensait être la femme de l'arnaqueur. Non, mais tu t'approches. Wow. En fait, vous pouvez poser une question sur l'homme en question, et c'est ça qui vous donnera, je pense, la réponse. Attends, l'homme, c'est l'arnaqueur. Non, justement, l'arnaqué. L'arnaqué. Non, okay. L'arnaqueur, c'est Romain Duris, tu confonds. Oui, c'est ça. Ouais. Petite blague de cinéphile, on est dans un cinoche. Alors, attends, le mec qui s'est fait arnaquer, il ouais. a un... C'est une il personne... a fait un truc. Ah, il a fait un truc, ouais. Mais tu dis poser des questions sur la oui, personne. Oui, sur lui, ouais, ouais. J'ai dit un homme, mais vous pouvez poser des questions sur l'homme en question. Et ça vous donnera peut-être la réponse. C'est un policier. Non. Est-ce que c'est un rapport avec son métier? Non. Moi, je suis vraiment perdu dans cette histoire. Parce que c'est un homme qui a arnaqué la femme. Non, non. C'est un homme qui a arnaqué un autre homme. Oui, ça voilà. Oui. En se faisant passer pour une femme. Pas pour c'est une pas femme. Clair, et pas clair ton jeu. Il y a un homme mais venez, qui a on se fait un balatro, c'est trop con. Il y a un homme qui a arnaqué un autre homme en se faisant passer pour une femme. Un truc qui arrive souvent, tu vois. Bien sûr, ouais, ça, c'est pas clair. Ok, d'accord. Ça s'appelle, ça s'appelle l'escroquerie sentimentale. C'est d'accord. Un vrai nom, qui est aussi un album de Bachung. Mais c'est un truc, voilà, c'est arnaque au sentiment ou arnaque à la romance. Et c'est des trucs qui se passent sur les réseaux sociaux, des gens qui se font passer pour des meufs ou des mecs et qui réclament de l'argent. Voilà. Ah, voilà. Est-ce que il lui a donc il lui a réclamé de l'argent ou pas il, et, oui, et l'autre il a braqué donné. Une banque pour un truc comme ça non, non. Est-ce qu'il c'est a braqué quelqu'un non c'est pas lié à l'argent t'as dit quoi non braqué quelqu'un non il a braqué personne mais est-ce que l'arnaqueur a dit il y a quelqu'un qui m'embête et l'autre il allait le tabasser non mais il a fait une violence sur quelqu'un wow. En rapport avec l'arnaqueur ouais en rapport à sa romance avec l'arnaqueur pas avec l'arnaqueur directement. Je sens que tu te rapproches. Hein. Il est pas loin. Est-ce qu'on demande ouais, on peut demander aux gens. Vous avez une idée oh là, il a tué sa femme. En fait, vous n'avez pas demandé si l'homme était célibataire. Et ouais, il était en couple. Ah, ça doit faire 20 minutes qu'il se dit. Mais c'est bien de finir gogoles. Sur cette bonne ambiance comme non, ça. Non, non, il y a les petites recos derrière. Ouais, t'inquiète. Mais j'en ai pas, donc c'est cool. Marocco, c'est le bouquin de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès. En fait. C'est cool. Non, voilà, c'est ça. Il a reconnu avoir prémédité le meurtre de sa compagne dans l'espoir de pouvoir concrétiser sa relation virtuelle nouée sur Internet, hélas, et le terme hélas n'a jamais été aussi bien utilisé, voilà, Béatrice commerçante à Brest n'existe pas. Et voilà, c'est un gars qui... Enfin, si, sûrement, mais... Oui, enfin, ouais. Elle n'a pas entretenu de romance avec ce monsieur, en tout cas, puisque le monsieur sera jugé pour meurtre après avoir déjà versé 2200 euros à l'arnaqueur. Qui n'est toujours pas Romain Duris, hein, j'y reviens quand même. Et l'escroc qui l'aurait arnaqué serait localisé sur les premières investigations en Côte d'Ivoire, mais on ne sait pas encore qui c'est. Mais qui a dénoncé, c'est le... C'est le bah, non, mais ça c'est su, quoi, le gars a sa femme. Il a tué sa femme. Ok, ok, ok. Ouais. Ça, ouais. Est-ce que vous avez déjà été victime d'une arnaque? Ouais, à part les gens qui vendent des cartes Pokémon. Postales. Non, les cartes postales, tu sais, en oui, disant, bien sûr. C'est pour envoyer des enfants en vacances et ouais. Ils te font... Moi, je sais attends, que... Attends, ça c'est faux, ça. Je me suis fait arnaquer plein de fois, alors. Non, mais en gros, moi, je me souviens que le mec m'avait dit... je sais plus ce qu'il m'avait dit, genre... putain, c'est... Ah oui, il avait dit, ouais, c'est 1,60, 2,90. Enfin, il l'avait formulé d'une manière à ce que je pense que c'était 2,90, mais c'était le prix. Et en fait, c'était deux cartes postales, c'était 90. Ah oui. Et du coup, j'ai dit, oh, bah, je vais en prendre deux. Et il m'a dit, bah, c'est 90, du coup. Et comme j'étais jeune et impressionnable, j'ai dit, oui, oui, je lui ai donné 90. Ah. Je me suis fait un peu, pas trop arnaquer, mais un peu genre, dis donc, tu... Quand tu l'as dit, c'était vraiment pour que je croie que c'était moins cher, quoi. Oui, c'est ça. Mais toi aussi, tu m'avais dit qu'il y avait carrément quelqu'un qui était venu chez toi et qui t'avait un peu arnaqué. Non, il m'avait pas arnaqué. Non, tu t'es pas fait avoir. Il m'avait demandé de l'argent et j'ai dit, ah, désolé, parce qu'il me demandait 600 euros. Donc je dis, bah... C'est un peu trop. Il m'a dit non, non, mais vous pouvez donner ce que vous voulez, genre 50. Et j'ai dit, bah désolé, c'est encore un peu trop. Et il est parti, quoi. Mais bon négociateur, ceci. Ouais. Il a commencé très haut. Ouais. Non, non, 50, hein, enfin, tu vois. Bah, il vise la lune pour tomber dans les étoiles, quoi. Mais... Oh là là. Mais c'était à Melbourne, d'ailleurs, on peut le dire. C'était à Melbourne. Sonné chez toi. Un petit peu en galère. Et... Toi, m'en veut. Jamais... Non, le classique de la douane, il y a un truc de coincé, il faut payer 35. Bon. Ah, ça, c'est... Alors, ouais, ça, pour ça, le coup, je fais pas la blague, c'est une arnaque, ça? Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais. Des fois, c'est vraiment la douane. Tu reçois un SMS et t'as ah oui, un lien ah, tu... qui ah, oui, t'amène faire le truc de paiement. Ouais, non, n'y allez pas. Voilà. Mais souvent, attends, moi, parfois c'est vraiment la poste. Enfin, c'est vraiment. Oui, mais il faut que ce soit pas. Et donc toi, coup, tu payes si texto. C'est écrit Cocolissimo, bon, bah, c'est pas le bon truc. Quoi. Ah, mais des fois, ils sont forts. Ah, donc toi, tu t'es fait avoir par ça? Je t'emmerde. Avec ta moustache, là. Moi, je oh, le nul. Ah, je suis nul, ah, ouais. Les Pokémon et ah, ça, bah, tu t'es. Bah, naïf, déjà. Naïf plus plus. Ah, ouais. Mais la bonne poire. La bonne poire. Tu te considères comme crédule? Ah, bah, mort. Ah, ouais, ah, ouais. J'ose espérer, ouais. chers amis, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez une recommandation culturelle? Ça peut être un film, une série, une pièce de théâtre, un stand-up, voilà, tout et n'importe quoi, un jeu vidéo. Moi, je lis une BD en ce moment que j'aime beaucoup, qui s'appelle RIP, R-I-P, de Derek, je crois, ça s'appelle. Et c'est trop bien, c'est 6 tomes, il y a le 6e tome qui est sorti. Il y a eu un rire sur Derek. Ouais, sur Derek. Donc, des refs. Voilà, on est avec le public du podcast. Ouais, c'est vraiment, ouais. Et c'est trop bien. Chaque tome est du point de vue d'une personne, mais c'est à chaque fois la même histoire racontée. Ah, pas mal. Et c'est sur le monde un peu des morts. Et franchement, c'est trop, trop bien fait. Et c'est vraiment un film à chaque fois que tu lis, quoi. Il y a des flashbacks et tout ça. C'est trop bien fait. Et c'est plus policier, thriller ou pas Ouais, ouais, un peu policier plutôt. Ouais. Plutôt, okay. Il y a un peu d'humour, mais très très peu, ouais, quand même. D'accord. Voilà, plutôt sérieux. Trop bien. Et c'est fini ou là, il y a le 6e tome qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ok, d'accord. Mais c'est le dernier ou il y en aura d'autres? Non, on ne sait pas. Je ne suis pas sûr que ce soit le dernier. D'accord. Okay. Très bien. Adrien? Bah, disons qu'il y a eu très peu de temps entre le dernier podcast et maintenant. C'est j'ai vrai. Pas tellement eu le temps de déguster des nouveaux petits contenus délicieux. Je rejoue à Marvel Snap. Voilà, ah, voilà. C'est quoi déjà là, je vais pas. Pitcher le jeu, c'est terminé ça, cette histoire. Mais non, mais dans les grandes lignes. C'est des cartes, c'est comme un peu comme les cartes Magic, c'est sur téléphone. Hein. Mais c'est Pokémon en fait, un peu. Oui, mais, oui, mais c'est non, pour mais jouer. Je te mets tourner dans tes contradictions, excuse-moi. Non, c'est pour jouer, il n'y a pas de problème. Ah oui. Genre spéculer. Ah, ah oui, là. Oui, bah, alors là, oh là, non. Là, oh là là, le lancer. Non, et voilà, c'est sur le téléphone, c'est un peu comme les cartes Magic, mais avec des personnages Marvel, et c'est super, voilà. Chers amis, merci beaucoup merci d'être venus, beaucoup. C'est très cool. Benjamin, toujours en spectacle? Tout à fait. Tu joueras, Paris c'est complet à fond, mais tu as fait des dates pour début 2025, c'est ça? Je reviens à Paris début 2025, c'est au Tréanon, je fais 4 Tréanons. Pas mal. Je serai à Bordeaux, Tate Femina en novembre, mais c'est complet. Allez. Allez. Et voilà, je reviens, je crois, au Théâtre Féminin en 2025, il me semble. Ton espace voilà. Bien, t'es content? Très bien, oh là là, cool. Et on va pas se plaindre, hein, c'est super. Non, non, trop bien, je suis hyper content. Bon, trop cool. Voilà, bon, et dans nous, les Leroy, le 10 avril. Oh, merci, ah. Benjamin, merci. Merci gros à tous suceur. D'être venus. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, ciao. Merci les bye. Copains, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Il s'agissait du flow de cast. Pardon. Je voudrais vous parler de Noma. Noma, c'est le nom d'un monstre qui dévore les enfants. Ce n'est pas du cinéma. Ce monstre existe vraiment. Il leur saute au visage, puis il les tue. Noma grignote tout. La chair, les os, l'espoir, la dignité. Et pourtant, il est tellement plus facile à soigner qu'à regarder. 10 euros suffisent à sauver une vie. Pour que la maladie du Noma ne vole plus le visage des enfants, donnez sur vaincre-noma.com.